Chapitre 2e. Newman revint s'asseoir sur le divan de l'autre côté en face des noces de Cana. Quoiqu'ayant des tableaux par-dessus la tête, celui-ci l'amusa. Quelle admirable scène! Quel mouvement! C'était bien là ce que devait être un festin splendide tel que son imagination l'avait toujours rêvé. Dans le coin, à gauche, une femme aux cheveux d'or, retenue par un diadème de pierreries, se penche en avant, prêtant l'oreille, avec un doux sourire, à ce que lui dit son voisin. Newman la distingua entre toutes, l'admira longtemps et découvrit enfin qu'elle aussi avait son copiste assidu, un jeune homme pâle à la barbe hérissée. Tout à coup, il sentit naître en lui la manie de collectionner. Il avait fait le premier pas, pourquoi s'arrêter? Son premier achat datait à peine de 20 minutes et déjà il prenait goût au rôle de protecteur des arts. Ses réflexions le mettaient en bonne humeur, et il était sur le point d'aborder le jeune artiste avec un autre, combien ? Bien décidé cependant cette fois à ne donner que la valeur exacte de la copie, et à ne pas être aussi coulant qu'avec Mademoiselle Nioche, qui, il le savait, l'avait abominablement grugé. À ce moment, son attention fut attirée par un gentleman qui traversait le salon carré avec toutes les allures d'un étranger, quoiqu'il n'eût ni guide ni lorgnette. Il tenait à la main une ombrelle blanche doublée de soie bleue et longeait, en y jetant un regard distrait, le tableau de Paul Véronèse, mais de beaucoup trop près pour pouvoir y distinguer autre chose que la trame de la toile. Quand il fut à quelques pas de Christopher Newman, il s'arrêta et regarda de son côté. En le voyant en face, les doutes de notre ami se changèrent en certitude. Il se leva brusquement et s'avança, la main tendue, vers le promeneur à l'ombrelle. Celui-ci le dévisagea un moment, puis, à tout hasard, tendit aussi la main. C'était un homme corpulent, au teint frais et rose, avec une belle barbe divisée au milieu par une oreille irréprochable, et s'étalant en éventail de chaque côté, à la physionomie banale et sans expression. Je ne sais ce que Newman pensa de son visage, mais son étreinte lui sembla manquer de cordialité. « Allons, allons, » fit-il en riant, « ne dites pas que vous ne me reconnaissez pas, parce que je n'ai pas d'ombrelle blanche. »« Newman, comment, est-ce bien vous ?» s'écria l'autre, qui, au son de sa voix, avait tout à coup reconnu son ami, et qui partit lui aussi d'un grand éclat de rire. « Ah, par exemple, je veux être pendu si je m'attendais. Qui aurait pu penser ? Savez-vous bien que vous êtes changé ?»« Vous ne l'êtes pas, vous. Pas à mon avantage, en tout cas. » « Depuis quand êtes-vous ici ?»« Depuis 3 jours. »« Pourquoi ne m'avoir pas prévenu ?»« Je ne me doutais pas que vous fussiez à Paris. »« J'y habite depuis 6 ans. »« Il y en a au moins 8 ou 9 que nous nous sommes vus. »« À peu près, nous étions jeunes alors. »« C'était à Saint-Louis, pendant la guerre. »« Vous étiez dans l'armée. »« Oh non, pas moi, mais vous. »« Je le crois, parle bien. »« Vous en êtes sorti sain et sauf ?»« Oui. » J'ai sauvé mes bras et mes jambes, et je n'en suis vraiment pas fâché. Comme tout cela semble déjà loin de nous. Depuis combien de temps êtes-vous en Europe ? Il y a 17 jours. Pour la première fois ? Oui, mon cher, pour la première fois. Avez-vous fait fortune ? Christopher Newman, pendant un instant, garda le silence. Puis, avec un tranquille sourire, répondit « Oui ». Et vous venez dépenser votre argent à Paris ? Nous verrons. Je ne sais pas encore. Ainsi, les hommes portent des ombrelles dans ce pays. Mais oui. Oh, on comprend le confort ici. Où les achète-t-on ? N'importe où, partout. Eh bien, Tristram, je suis heureux de vous avoir retrouvé. Vous me piloterez et me montrerez les ficelles. Je suppose que vous connaissez votre pari à fond. En vérité, personne, je crois, n'aurait à m'apprendre grand-chose maintenant. Vous pouvez vous en rapporter à moi, en tant que cicérone. Je regrette de ne pas vous avoir rencontré quelques minutes plus tôt. Je viens d'acheter un tableau. Vous auriez pu négocier l'affaire à ma place. Acheter un tableau ? Fit Tristram en jetant les yeux sur les murs du salon carré. On les vend donc ? Je veux dire, une copie. Ah, très bien. Ceci, et il montrait du doigt les Titiens et les Van Dyck, ceux-ci sont des originaux sans doute. Je l'espère, s'écria Newman. Je ne voudrais pas de la copie d'une copie. « Vous savez, » dit Tristram d'un air de mystère, « on n'est jamais sûr. Ils ont une diable de supériorité pour les imitations dans ce pays-ci. C'est comme les bijoutiers avec leurs pierres fausses. Allez au palais royal, vous lirez imitation sur les devantures de 5 boutiques sur 10. La loi les y oblige, vous savez. Mais vous avez beau être prévenu, vous ne pouvez trouver de différence. À vrai dire, je ne m'y connais guère en peinture. Je laisse là à ma femme. Ah, vous avez une femme. Vous ne le saviez pas. Une femme charmante. Je vous présenterai à elle. Elle est là-bas, avenue d'Iéna. Ainsi, vous avez définitivement planté votre tente, maison, enfant. Mon Dieu, oui, maison montée, 2 mioches. Ah ! Fit Newman en soupirant, je vous envie. Ah, que non ! Répondit Tristram en le frappant amicalement du bout de son parasol. Je vous demande bien pardon, je vous envie. Eh bien, vous changerez d'avis quand... Vous ne voulez pas dire, j'espère, quand j'aurai vu votre intérieur. Quand vous aurez fait plus ample connaissance avec Paris, mon bon, il faut être son maître pour jouir de la vie ici. J'ai été mon maître toute ma vie, j'en ai assez. Eh bien, essayez de Paris. Quel âge avez-vous ? 36 ans. C'est le bel âge, comme disent les Français. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'on ne devrait jamais laisser de côté son assiette tant qu'on y trouve quelque chose à manger. Nous verrons. Je viens justement de m'entendre avec un professeur de français pour prendre des leçons. Vous n'avez pas besoin de leçons. Je n'en ai jamais pris, cela vient tout seul. Je pense que vous savez le français aussi bien que l'anglais. Beaucoup mieux, s'écria sans hésiter Tristram. C'est une langue admirable. On peut dire en la parlant toutes sortes de choses spirituelles. Mais je suppose, demanda Newman, désireux de s'instruire, qu'il faut commencer par être spirituel soi-même. Pas le moins du monde, et voilà justement ce qui en fait la beauté. Les deux amis, tout en causant, étaient restés debout, adossés à l'appui de la simèse. Tristram, se sentant fatigué, demanda à s'asseoir et Newman recommanda avec enthousiasme le grand divan circulaire. « Quel coup d'œil !» dit-il, en y prenant place avec son ami. « Et comment on est bien là, au milieu de tous ces chefs-d'œuvre ? » « Oui, oui, c'est le plus beau musée du monde !» répondit Tristram d'un ton de profonde indifférence. Puis, soudain, jetant les yeux autour de lui, il ajouta avec une légère hésitation « On ne fume pas ici, je présume. Fumer ?» fit Newman étonné. « Je n'en sais rien, ma foi. Vous devez connaître mieux que moi les règlements. Moi, je ne suis jamais venu ici. Jamais, en 6 ans ? Pouah. Je crois bien que ma femme m'y a traîné une fois dans les commencements de notre arrivée à Paris, mais je n'y suis jamais revenu. Vous disiez si bien connaître Paris. « Je n'appelle pas ça Paris, » répliqua Tristram avec aplomb. « Voyons, venez fumer avec moi au palais royal. Je ne fume pas. Vous prendrez quelque chose alors. » Il entraîna son ami. Ils traversèrent les magnifiques salles du Louvre et, descendant au rez-de-chaussée, suivirent les longues, fraîches et sombres galeries de la sculpture et se trouvèrent enfin dans la cour. Newman regardait autour de lui, tout en marchant, sans faire de commentaires. Seulement, une fois dehors, il se contenta de dire « Il me semble qu'à votre place, je serais venu ici au moins une fois par semaine. » « Non, mon cher ami, vous le croyez maintenant, mais non, vous n'auriez pas eu le temps. Vous auriez toujours eu l'intention d'y venir et vous vous seriez contenté de l'intention. Il y a des choses plus amusantes et plus gaies que le Louvre à Paris. C'est en Italie que l'on va quand on va voir des tableaux. Là, on est bien forcé de les regarder, on n'a pas autre chose à faire. » C'est un pays de sauvages. On ne peut seulement pas se procurer un cigare passable. Du diable, si je sais ce qui m'a poussé à entrer là-dedans aujourd'hui. Je flânais, je m'ennuyais. En passant, j'ai remarqué le Louvre et je me suis dit, tiens, si j'entrais là pour voir ce qu'on y fait. Par bonheur, je vous ai rencontré car je commençais à n'avoir par-dessus la tête. Je me soucie par Dieu bien des peintures. Je préfère la réalité. Les deux amis gagnèrent par la rue de Rivoli, le palais royal où il s'assit à une table devant le café de la Rotonde. Il y avait foule. La musique militaire autour du grand bassin jouait des airs d'opéra célèbres. Les groupes assis à l'ombre des tilleuls, les enfants s'amusant tranquillement sous les yeux de leur mère, les promeneurs circulant au milieu du dédale des chaises, les nourrices appétissantes avec leurs bonnets blancs à rubans de couleur, les bébés frais et roses, tout cela formait un tableau plein de gaieté et de charme. Et Christophe Newman sentit qu'il avait devant les yeux une scène essentiellement parisienne. « Et maintenant, commença Tristram, tout en préparant son grog, parlons un peu de vous. Quels sont vos plans, vos idées? D'où venez-vous et où allez-vous? D'abord, où êtes-vous descendu? Au grand hôtel, dit Newman. La large figure de Tristram s'allongea. Vous ne pouvez pas rester là, il faut changer. Changer, pourquoi donc? C'est le plus bel hôtel que j'ai jamais vu. Ce n'est pas un bel hôtel qu'il vous faut, mais quelque chose de petit, de tranquille et d'élégant, où l'on réponde à votre coup de sonnette, où l'on vous reconnaisse quand vous rentrez. Comment? Mais on vient voir à chaque instant si je n'ai pas sonné, si je n'ai besoin de rien. Quant à me reconnaître, ce sont des saluts et des révérences à n'en plus finir, toutes les fois que je rentre. Vous devez perpétuellement leur graisser la patte, cela ne vaut rien. Pas le moins du monde. Un homme m'a porté je ne sais plus quoi hier. Il restait là, avec un air suppliant. Je lui ai offert une chaise en lui demandant s'il ne voudrait pas s'asseoir. Ai-je mal fait? Était-ce mauvais genre? Épouvantable. Mais il s'esquiva brusquement sans cri gare. En tout cas, j'aime mon hôtel. Je me moque de votre élégance. Je m'amuse, là. Cette nuit, je suis resté dans la cour jusqu'à 2 heures du matin à regarder tout ce va-et-vient de voyageurs. Vous n'êtes pas difficile à amuser. Enfin, c'est votre affaire. Un homme dans votre situation a le droit d'agir à sa guise. Vous avez amassé des monceaux d'argent, n'est-ce pas? J'en ai suffisamment. Heureux l'homme qui peut dire cela. Suffisamment pour quoi? Pour me reposer quelque temps. Pour oublier les affaires. Pour garder autour de moi. Pour voir le monde. Pour m'amuser. Pour m'instruire. Et si la fantaisie m'en prend, pour me marier. Newman parlait lentement, d'un ton un peu sec, avec des pauses fréquentes. C'était en général sa manière de s'exprimer, mais dans cette dernière phrase, elle était plus sensible que de coutume. « Par Jupiter, voilà ce que j'appelle un programme !» s'écria M. Tristram. « Tout cela certainement demande de l'argent, surtout la femme. À moins qu'elle n'en apporte, comme la mienne. » Et peut-on connaître le reste de votre histoire? Comment êtes-vous devenu si riche? Newman avait rejeté son chapeau en arrière, croisé ses bras, étendu ses jambes. Il garda quelques instants le silence, écoutant la musique, regardant la foule affairée, le jet d'eau du grand bassin, les nourrices, les bébés. J'ai travaillé, répondit-il simplement. Tristram le considéra, le mesura pour ainsi dire de la tête aux pieds, de son regard froid et tranquille. « À quoi avez-vous travaillé ? » demanda-t-il. « Oh, à différentes choses. Vous êtes un malin, à coup sûr. » Newman ne quittait pas des yeux les nourrices et les bébés. Le tableau lui semblait d'une simplicité primitive et tout à fait pastorale. « Oui, » dit-il enfin, « je ne me crois pas trop bête. » Et alors, pour satisfaire la curiosité de son ami, il lui raconta en quelques mots sa vie depuis leur dernière rencontre. C'était une histoire toute américaine, et dont les détails n'intéresseraient que médiocrement le lecteur. Newman avait quitté l'armée après la guerre de sécession, avec un brevet de brigadier général, honneur qui, dans ce cas particulier, soit dit sans offenser personne, était amplement mérité. Mais malgré ses réelles aptitudes pour le métier des armes, il n'y prit aucun goût, et ses 4 années de guerre ne lui laissèrent qu'une impression d'amertume et de profonde irritation. Il avait perdu son temps, sa jeunesse, et qu'avait-il gagné en somme? Il était, après, comme avant, aussi pauvre que Job, n'ayant pour tout capital que son inébranlable résolution de travailler et de réussir. Il se jeta dans les affaires à corps perdu. L'activité lui était aussi naturelle que la respiration. Jamais mortel plus solidement bâti ne foula le sol élastique de l'Ouest. De plus, il avait autant d'expérience que d'intelligence. À 14 ans, la nécessité l'avait pris par les épaules et jeté dans la rue pour gagner son souper. Ce soir-là, il se coucha à jeun, mais le travail lui donna du pain, et à partir de ce jour-là, s'il se passa quelquefois de dîner, c'est qu'il préféra s'en priver pour employer son argent à quelque chose de plus nécessaire ou de plus profitable. Il essaya de tous les métiers. Il fut entreprenant, téméraire, aventureux. Il passa tour à tour par les plus cruels désappointements et les plus brillants succès, sans jamais rien perdre de son calme et de sa ténacité, toujours soutenu par une foi inaltérable en l'avenir. Il eut un temps où rien ne lui réussissait, où la mauvaise chance le poursuivait inexorablement, où tout ce qu'il touchait tombait en poussière. Il connut la vraie misère. Il sut ce que c'est que d'avoir absolument épuisé son crédit, de ne pouvoir emprunter un dollar et de se trouver à la nuit tombante dans une ville inconnue sans un sou dans sa poche. Ce fut dans de pareilles circonstances qu'il fit son entrée à San Francisco, où il devait plus tard voir la fortune lui sourire. Et si, comme le docteur Franklin, il n'erra pas dans la ville en grignotant un morceau de pain, c'est parce qu'il n'avait pas le morceau de pain nécessaire à l'opération. Dans ses plus sombres jours, il ne désespéra jamais. Il y avait en lui comme une résolution farouche d'aller jusqu'au bout. Il réussit à la fin à gagner des eaux plus tranquilles et fit largement sa fortune. Nous sommes obligés d'avouer en toute sincérité que le seul but de Newman dans la vie avait été jusqu'à ce jour de gagner de l'argent. Triompher du sort contraire, amasser une fortune aussi considérable que possible, voilà pourquoi, et seulement pourquoi, dans sa pensée, il était sur la terre. Son horizon n'allait pas au-delà. C'en était assez pour satisfaire son imagination. Et il était arrivé à l'âge de 36 ans, sans s'être encore demandé à quoi lui servirait tout cet argent et comment il emploierait son énorme fortune. La vie avait été pour lui une partie d'un gros enjeu. Il avait gagné. Mais que faire de ses gains à présent ? Newman était un homme qui, tôt ou tard, devait se poser cette question. Déjà, depuis son arrivée à Paris, il commençait à entrevoir qu'il en existait plus d'une dont sa philosophie ne s'était pas doutée. Et là, dans ce coin tranquille et charmant de la grande ville, causant à loisir avec son ami, cette impression devenait de plus en plus vive. « Il faut que je vous confesse, dit-il à Tristram, qu'ici je ne me sens pas le moins du monde un habile homme. Mes remarquables talents me semblent ne devoir me servir à rien. Je suis aussi naïf qu'un bébé, et un bébé pourrait me prendre par la main et me conduire à son gré. Eh bien, je serai votre bébé, mon cher, et je vous mènerai par la main. Ayez confiance en moi. Je sais travailler, continua Newman, et je crains de ne pas savoir perdre mon temps. Je suis venu en France pour m'amuser, mais comment m'y prendre, je ne m'en doute pas. Oh, cela s'apprend vite. Oui, je pourrais peut-être l'apprendre. En tout cas, cela ne me viendra pas naturellement. Je suis plein de bonne volonté. Mais que voulez-vous ? Ma nature est récalcitrante. Elle résiste à mes efforts. En tant que flâneur, je ne serai jamais original, comme je crois que vous l'êtes. Oui, dit Tristram, je crois en effet être original, comme les immortels tableaux du Louvre. En outre, je ne veux pas avoir à travailler pour m'amuser, pas plus que je ne m'amusais en travaillant. Je veux que le plaisir vienne à moi sans que j'aie à le chercher. Je me sens délicieusement paresseux, et j'aimerais à rester ainsi durant 6 mois, assis sous un arbre écoutant un concert. Ah, quant à cela, je suis décidé, je veux entendre de la bonne musique. La musique et la peinture, Seigneur Dieu, quel goût raffiné! Vous êtes ce que ma femme appelle un homme intellectuel. Tout l'opposé de moi. Mais nous vous trouverons quelque chose de mieux à faire que de rester assis sous un arbre. Pour commencer, vous viendrez à mon club. Quel club ? Le club occidental. Vous y trouvez toute la colonie américaine. Vous aimez le jeu, n'est-ce pas ? Ah, par exemple ! S'écria énergiquement Newman. Vous n'allez pas, j'espère, m'enfermer dans un salon et me planter à une table de jeu. Je ne suis pas venu d'Amérique pour ça. Pourquoi diable êtes-vous venu alors ? Vous étiez pourtant joueur autrefois, et nous avons fait plus d'une partie à Saint-Louis. Vous m'avez même plumé. Je suis venu pour voir l'Europe, pour m'instruire, si j'en suis capable. Je veux voir toutes les choses remarquables et vivre comme vivent les hommes intelligents. Les hommes intelligents, très obligés. Alors vous me rangez dans la catégorie des imbéciles. Newman était assis de côté, le coude sur le dossier de sa chaise et la tête dans sa main. Sans changer de position, il regarda pendant quelques instants son ami, avec ce sourire qui lui était habituel, un sourire plein de malice et de réticence, presque impénétrable, où l'on devinait cependant une réelle bonté. « Présentez-moi à votre femme, » dit-il enfin. Tristram bondit sur sa chaise. « Sur ma parole, je n'en ferai rien. Elle n'a pas besoin qu'on l'aide à me mépriser, ni vous non plus, du reste. Mon cher ami, je ne vous méprise nullement, ni vous ni personne. Je ne suis pas fier, je vous jure que je ne suis pas fier. C'est pourquoi je voudrais prendre pour modèle des gens distingués. Eh bien, si je ne suis pas la rose, j'ai vécu près d'elle, comme on dit ici. Je puis vous faire la connaissance de personnages de distinction. Connaissez-vous le général Packard? Connaissez-vous C.P. Hatch? Connaissez-vous Miss Kitty Upshon? Je serai heureux de faire leur connaissance. Je désire voir et fréquenter la haute société. Tristram avait l'air inquiet. Il interrogeait son ami du regard. « Voyons, franchement, quel est votre but? Auriez-vous l'intention d'écrire un livre ?» Christopher Newman tortilla sa moustache pendant quelques instants, sans répondre, puis enfin. Un jour, il y a 2 mois de cela, il m'arriva quelque chose de bien curieux. J'étais venu à New York pour une affaire importante qui traînait depuis longtemps. Il s'agissait pour moi de prendre les devants sur un concurrent, en un mot de lui couper l'herbe sous le pied. Il m'avait joué, une fois, un tour abominable. Je voulais ma revanche et j'avais juré, dans ma colère, que si jamais j'en trouvais l'occasion, je lui arracherais le nez, au figuré, bien entendu. Il y avait quelque 60 000 $ à gagner. Si je parvenais à les souffler à mon concurrent, ce serait pour lui un coup mortel et réellement il ne méritait pas de quartier. J'arrive à New York, je saute dans un fiacre et fouette cocher. Ce fut dans ce fiacre, un fiacre historique, à jamais célèbre, que m'arriva la chose singulière dont je vous parle. C'était un fiacre, comme tous les fiacres, seulement un peu plus sale, avec une ligne graisseuse en haut de ses coussins gris-bruns, comme s'il avait servi à un grand nombre d'enterrements irlandais. Peut-être sommeillais-je en route. C'est fort possible. J'avais voyagé toute la nuit et je tombais de fatigue. Quoi qu'il en soit, je m'éveillais en sursaut, d'un somme ou d'une rêverie, avec la plus extraordinaire sensation du monde, un dégoût insurmontable pour l'action que j'allais commettre. Cela me vint ainsi. Newman fit claquer ses doigts, aussi brusquement qu'une vieille blessure qui se rouvre. Je ne saurais expliquer ce phénomène, mais toute cette affaire m'inspirait un profond dégoût. Et je n'avais qu'un désir, m'en laver les mains au plus tôt. L'idée de perdre ces 60 000 $, de les laisser glisser et disparaître, de n'en plus jamais entendre parler, me semblait la chose la plus délicieuse du monde. Et dans tout cela, remarquez-le bien, ma volonté n'était pour rien. C'était comme si j'avais assisté à une pièce de comédie au théâtre. Seulement, la comédie se jouait au-dedans de moi. Du reste, je crois qu'il se passe en nous bien des choses que nous ne comprenons guère. « Par Jupiter !» s'écria Tristram. « Vous m'en donnez la chair de poule. Et pendant que vous étiez dans votre fiacre, regardant la comédie comme vous dites, l'autre vous passa sur le corps et empocha les 60 000 $. Je n'en ai pas la moindre idée. Je l'espère pour lui, pauvre diable. Mais je n'en ai jamais rien su. Nous arrivâmes à l'endroit où j'avais affaire, dans Wall Street. Je restai assis dans la voiture sans bouger. À la fin, le cocher descendit, craignant sans doute que son fiacre ne fût changé en corbillard. Je ne pouvais pas plus remuer qu'un cadavre. Qu'est-ce qui se passait en moi? C'était un accès de folie, diriez-vous. Tout ce que je souhaitais, c'était de sortir de Wall Street. Je dis au cocher de me conduire au bac de Brooklyn et de le traverser. Quand nous fûmes de l'autre côté, je lui dis de me conduire dans la campagne. Comme, dans le principe, je lui avais recommandé de gagner la ville de toute la vitesse de son cheval, il dut certainement me croire fou. Je l'étais peut-être, mais en ce cas, je le suis encore. Je passais la matinée à examiner les premiers bourgeons des arbres le long de la route. J'étais là, des affaires. J'éprouvais le désir de ne plus de ma vie en entendre parler. J'étais assez riche, assez pour moi, du moins. Je me sentais un nouvel homme. Je soupirais après un monde nouveau. Quand on éprouve un tel besoin d'une chose, ce qu'on a de mieux à faire, c'est de se la donner. Je ne comprenais rien à ce qui se passait en moi, mais c'est en vain que j'aurais essayé de résister au courant qui m'entraînait. Dès que j'eus mis ordre à mes affaires, je m'embarquais pour l'Europe, et voilà comment je suis ici. Vous auriez dû acheter ce fiacre, dit Tristram. Ce n'est pas prudent de le laisser dans la circulation. Ainsi, vous avez réellement tout liquidé. Vous êtes retiré des affaires. J'ai passé la main à un de mes amis. Quand je m'y sentirai de nouveau disposé, je pourrai reprendre les cartes. Peut-être d'ici un an l'effet contraire se produira-t-il. Le pendule aura son mouvement de revient, c'est fort possible. Je serai dans une gondole ou sur un dromadaire et, tout à coup, j'éprouverai le besoin de recommencer cette existence de travail incessant. Je ne réponds de rien. Mais, pour l'instant, je suis libre de tout souci. Il est même convenu qu'on ne m'enverra pas de lettre d'affaires. Oh, dit Tristram, c'est un véritable caprice de prince. Je me récuse. Un pauvre diable comme moi ne pourrait vous aider à occuper de somptueux loisirs. Vous devriez vous faire présenter à des têtes couronnées. Newman le regarda en souriant de son bon rire. « Que faut-il faire pour cela ? » demanda-t-il. « À la bonne heure, voilà qui me plaît. On voit au moins que vous êtes sérieux. »« Naturellement, je suis sérieux. Ne vous ai-je pas dit qu'il me fallait ce qu'il y a de mieux ?»« Je sais bien que l'argent ne suffit pas, mais je crois qu'il est d'un grand poids dans la balance. De plus, je ne crains pas de me donner de la peine. »« Vous n'êtes pas timide, hein ?»« Pas que je sache. » Je veux jouir de tout, je veux tout voir, ville, monument, nature, art, tout, enfin. Je veux voir les plus hautes montagnes, les lacs les plus bleus, les plus belles églises, les tableaux les plus célèbres, les hommes les plus illustres et les femmes les plus belles. Alors, mon cher, fixez-vous à Paris. Je n'y connais pas de montagne et le seul lac qu'il possède est celui du Bois de Boulogne. Encore n'est-il pas trop bleu, mais vous y trouverez tout le reste. Tableaux, églises, hommes célèbres en quantité et pas mal de jolies femmes. Mais je ne puis me fixer à Paris dans cette saison. Nous entrons en été. Oh, pour l'été, allez à Trouville. Qu'est-ce que Trouville ? Le Newport français. Vous trouverez toute la colonie américaine. Est-ce près des Alpes ? Aussi près environ que Newport des montagnes rocheuses. C'est que je veux voir le Mont Blanc. Et Amsterdam, et le Rhin, et bien d'autres endroits. Venise, surtout. Je me fais une grande idée de Venise. Allons, soupira Tristram en se levant. Je vois que ce que j'ai de mieux à faire est de vous présenter à ma femme.